Today, 8th of April, 2022. I would like to continue explaining about Vipassana meditation, mindfulness on the body, mindfulness on the feelings, mindfulness on the consciousness, mindfulness on the Dhamma. So I would like to start with recitation of a stanza in the Dhammapada taught by the Buddha. Ewang visesa do nyatawa appamadhammi pandita appamade modanti riyanam Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril 2022 et j'aimerais continuer à expliquer la méditation Vipassana, l'attention au corps, au ressenti, aux consciences et au Dhamma. Et j'aimerais commencer par une stance enseignée par le Bouddha qui se trouve dans le Dhammapada. Evam visesa nyatoa appamadati pandite appamade pamodanti ariyanam gocchara yata. Ce qui veut dire, en comprenant clairement, avec l'attention fermement établie, les yogis se réjouissent. Ils se réjouissent dans l'attention, dans le fait d'être attentif, dans le domaine des quatre fondements de l'attention. Ewang visesa to nyatawa Evam visesa to appamadhammi pandita nyatoa appamadanti pandita appamade pamodanti. appamade pamodanti That's very good. Riyanam ariyanam gocare gochare Rata. rata. Yes, good. I will recite again. Ewang visesa to nyatawa. Evam Appamadhammi pandita. visesato nyatoa Appamadhammi. appamadanti Pandita. pandita Appamade pamodanti appamadami panditam appamade pamodanti Riyanam gocare rata. Ariyanam gochare rata. Very good. Sadhu, Nos yogis pratiquent la méditation vipassana conformément aux quatre fondements de l'attention. Kaya Nupassana, l'attention au corps. Vedana Nupassana, l'attention au ressenti. Citta Nupassana, l'attention aux consciences. Dhamma Nupassana, l'attention au Dhamma. Ils pratiquent en se fondant sur les quatre fondements de l'attention. Les yogis commencent seulement à pratiquer Vipassana conformément à l'enseignement du Bouddha. Et au début de la pratique, la réjouissance et le plaisir de la pratique ne vont pas apparaître. Ils notent l'objet primaire. Quel que soit l'objet qui apparaît aux six portes sensorielles. Mais au début, même si le yogi n'est pas capable de noter tous les objets tout le temps, parce qu'il commence seulement à être attentif, Il continue néanmoins de pratiquer. Il n'a pas encore le goût du Dhamma, mais peu à peu, graduellement, il pratique ardemment et avec énergie et il construit son attention. Pendant la méditation assise, pendant la méditation en marche, pendant les activités quotidiennes, pendant toute la journée, il s'efforce. Et le fait de s'efforcer, c'est ce qu'on appelle samayama, l'effort mental et l'effort physique, l'énergie mentale et l'énergie physique. Et après un certain temps, il devient capable, il est en mesure de noter le soulèvement et l'abaissement et les autres objets aussi lorsqu'ils apparaissent. Selon les cas, les objets tels qu'ils apparaissent. Pendant la marche, il note soit il fait soit une note par pas, pas à gauche, pas à droite, soit deux notes par pas, levé, placé, soit trois notes par pas, levé, avancé, placé. Et de cette façon, donc, il construit son attention. Quel que soit l'objet qui apparaît aux six portes des sens, il est capable de le noter. Et ainsi, la confiance dans la pratique se développe. Et une fois qu'il a confiance dans sa pratique, le yogi devient très précautionneux. Il ne veut manquer aucun objet, sous aucun prétexte. Il veut vraiment saisir l'objet. Et maintenant, il dispose du pouvoir de saisir l'objet immédiatement. Et cela le réjouit, cela le rend heureux et le plaisir de la pratique apparaît. Pourquoi les yogis se réjouissent-ils? Pourquoi les yogis sont-ils attentifs et se réjouissent-ils? Parce que l'esprit qu'ils notent est bien établi. Si l'esprit qui note n'est pas bien établi, si l'esprit qui note n'est pas suffisamment ferme et suffisamment fort, il sera éparpillé de tous côtés. C'est udaccha en pali. Lorsque l'esprit ne peut rester avec l'objet, lorsqu'il ne reste pas sur l'objet, le yogi ne saura pas comment l'abdomen se soulève, comment l'abdomen s'abaisse. Par conséquent, il ne connaîtra pas la nature du corps et de l'esprit. Et par conséquent, il n'y aura pas de réjouissance ou de plaisir de la pratique qui apparaîtra en lui. Même pire encore, la paresse et l'ennui vont apparaître parce que le yogi ne voit rien. Au contraire, lorsque l'attention est ferme, lorsque l'esprit qui note est ferme, la réjouissance apparaît, le bonheur apparaît, le plaisir de pratiquer apparaît. C'est dans la stance qu'on a lue, la phrase Appamade Pamodanti. Les yogis sont capables de passer leur temps avec l'attention et ils expérimentent par eux-mêmes comment l'esprit devient pacifié, comment l'esprit devient paisible. La dernière phrase de la stance, c'est Ariyanam Gochare Yata. Ariyanam, c'est-à-dire les êtres nobles. Gochare Rata. Les êtres nobles sont heureux de vivre dans le domaine, dans le territoire des yogis. Ici, les yogis sont au centre d'Amaransi, donc c'est leur domaine. Ils peuvent y pratiquer la méditation en sécurité. Mais dans le cadre de cette phrase, ça fait référence plus spécifiquement encore aux quatre fondements de l'attention. Le domaine des yogis, c'est les quatre fondements de l'attention. Lorsqu'on parle des quatre claires compréhensions, sampajanya, sataka sampajanya, sapaya sampajanya, gochara sampajanya, asamoha sampajanya. Le domaine du yogi, c'est la troisième claire compréhension, gochara sampajanya. Et lorsque le yogi reste à l'intérieur de son domaine, c'est-à-dire à l'intérieur des quatre fondements de l'attention, automatiquement, la quatrième claire compréhension, Asamoha Sampajanya, va apparaître. C'est Asamoha Sampajanya, donc la claire compréhension de la non-illusion. Le yogi peut comprendre clairement l'objet de méditation. Asamoha Sampajanya, c'est l'équivalent de la sagesse. Lorsque l'esprit est illusionné, il ne peut pas voir quoi que ce soit tel qu'il est réellement. Afin de voir les choses et de les comprendre telles qu'elles sont réellement, les yogis doivent vivre dans le domaine des yogis. Nous sommes encouragés à être attentifs à chaque instant, à prendre note de l'objet du début à la fin. Prendre note, noter le soulèvement du début à la fin, noter l'abaissement de l'abdomen du début à la fin. Si la prise de note n'est pas vive, n'est pas active, l'esprit peut facilement glisser à la fin du soulèvement ou à la fin de l'abaissement. L'esprit peut facilement s'envoler. Avec énergie et détermination, le yogi se dit, je vais essayer de noter le soulèvement du début à la fin. Je vais essayer de noter l'abaissement du début à la fin. C'est de cette façon qu'on entraîne notre esprit. Lorsque la prise de note devient puissante, ce n'est pas seulement le soulèvement et l'abaissement qui deviennent bien visibles, c'est aussi les autres objets dont le yogi prend conscience. Parfois, il ressentira de la chaleur quelque part dans le corps. Il note chaleur, chaleur. Parfois, c'est le froid. Il note froid, froid. Et de cette façon, son attention devient de plus en plus forte, de plus en plus ferme. Il comprend qu'est-ce que c'est l'esprit, il comprend qu'est-ce que c'est le corps, et il parvient à distinguer le corps de l'esprit. Lorsque le yogi note soulèvement, il voit le mouvement de l'abdomen vers le haut. Lorsqu'il note abaissement de manière rapprochée, il sait que l'abdomen s'abaisse. Et pourquoi est-ce que l'abdomen se soulève? C'est en raison de l'air, de l'élément air qui entre dans l'estomac, qui entre dans le ventre et qui se dirige vers la zone du nombril. Ensuite, l'air sort. Donc l'abdomen d'abord enfle et puis se dégonfle. De cette façon, le yogi comprend l'air, comprend l'élément air. Il comprend que c'est en raison de l'air que l'abdomen se soulève et s'abaisse. En pali, l'élément air, ça se dit Vayodhatu. Et voir si le yogi est en mesure de savoir, de connaître l'élément air dans l'estomac, que c'est l'air qui cause le mouvement vers le haut et vers le bas du ventre, alors il a la compréhension. Et pourquoi est-ce qu'il a cette compréhension? C'est parce qu'il observe. S'il n'observait pas, il n'en serait pas conscient, il ne pourrait pas en être conscient. L'esprit qui note, la prise de note, c'est l'esprit. L'abdomen ou l'estomac qui monte et qui descend, c'est le corps. Le yogi comprend clairement cela. Son esprit n'est pas illusionné. Et s'il prête encore plus d'attention, il pourrait être conscient à la fin du soulèvement d'une forme de dureté, à la fin du soulèvement ou de l'abaissement d'une forme de dureté ou d'une forme de douceur. Et ainsi, le yogi comprend plus clairement encore. Au début de la pratique, lorsque le yogi note le soulèvement et l'abaissement, il peut voir le mouvement vers le haut et vers le bas, et en même temps, il voit la forme de l'abdomen. Il note l'abdomen de façon rapprochée chaque fois qu'il pratique la méditation assise, et son attention s'améliore de plus en plus. Oh, mon abdomen va vers le haut et va vers le bas. Et lorsque son attention est bien établie, il ne voit plus la forme de l'abdomen, il voit seulement le mouvement. Les yogis rapportent à l'entrevue, après avoir pratiqué un certain temps, je ne peux plus voir mon abdomen, je ne vois plus que le mouvement. Au début, je pouvais aussi voir la forme à côté du mouvement. Les yogis à ce moment-là ont beaucoup d'énergie mentale. Lorsqu'ils pratiquent de façon plus diligente, en respectant leur pratique, soudain, donc, ils sont conscients qu'ils ne peuvent plus voir la forme. Ils sont déçus. Ils disent, ma pratique n'est plus si bonne, je ne peux plus voir la forme de l'abdomen. Lorsqu'ils en font rapport au moment de l'entrevue, le professeur doit être prudent, il doit bien observer le yogi, l'attitude du yogi. Le yogi garde les yeux vers le bas, il ne regarde nulle part. Et donc, en fait, c'est un signe de progrès. Même si le yogi est déçu, en fait, c'est un signe de progrès. Donc, le conseil, c'est si vous ne voyez plus la forme, ne la cherchez pas et continuez à noter le mouvement. Ainsi, la phrase Apamade Pamodanti. Les yogis se réjouissent de leur pratique. À terme, ils se réjouissent de leur pratique. Cela ne les gêne pas de vivre seuls. Ils sont heureux simplement de vivre avec leur pratique. Apamade Pamodanti. Si le yogi est attentif à chaque objet qui apparaît de façon continue, sûrement la joie, la réjouissance, le plaisir de la pratique vont apparaître parce qu'il voit l'objet noté très clairement. Il est en mesure de distinguer le corps et l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit qui note et le corps, c'est l'objet qui est noté. Il voit que ces deux-là ne sont pas ensemble, qu'ils sont séparés. S'il comprend réellement l'esprit et la matière, il élimine le concept. Ceci est moi, ceci est à moi, ce corps est à moi, c'est un concept, ce n'est pas vrai. Il n'y a en réalité que le corps et l'esprit, simplement le corps et l'esprit. Ça, c'est le début de la sagesse. Au plus il note, au plus il comprend. Il ne comprend pas seulement le soulèvement et l'abaissement. Il comprend, par exemple, que le soulèvement et l'abaissement apparaissent en raison de l'air. Il ne note pas les narines, mais il en est conscient au moment où il note le soulèvement et l'abaissement. Il en prend conscience. Il comprend les causes et les effets. Lorsque l'attention du yogi se renforce, son comportement change. Au début de la pratique, il oublie de noter beaucoup de choses. Maintenant, à présent que sa pratique a progressé, il ne note pas seulement le soulèvement et l'abaissement. Quel que soit l'objet qui apparaît aux six portes des sens, il le note. Il est capable de le noter. Et en même temps, son comportement change. Au début, il marchait vite et sans attention. Il allait sur son coussin de méditation et s'asseyait rapidement. Et puis, après la méditation, il se levait rapidement. Et donc, on pouvait voir de l'extérieur que son attention n'était pas encore suffisante. À l'inverse, lorsqu'il est attentif, le yogi devient très précautionneux et il ne le fait pas exprès, il le fait simplement parce que l'attention est établie en lui. C'est l'attention qui le guide. Et petit à petit, le yogi change ses habitudes, change sa manière de se conduire. Lorsqu'il s'assied ou lorsqu'il se lève, il le fait de façon très attentive. Lorsqu'il va quelque part, il ne se précipite pas, il le fait avec attention. Ça, c'est le bénéfice de Vipassana. Mais cela prend du temps de développer cette qualité. C'est tout pour aujourd'hui. Puissiez-vous être en bonne santé et heureux, puissiez-vous être capable de pratiquer la méditation avec diligence, puissiez-vous comprendre les dhammas tels qu'ils sont réellement et atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ok, that's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Thank you.